Exercice 3. Vous allez entendre deux fois un document. Il y a 30 secondes de pause entre les deux écoutes, puis 30 secondes pour vérifier vos réponses. Lisez les questions. Bonjour, c'est Monsieur Garcia, le directeur du restaurant Au Colibri. Je voudrais vous inviter à un entretien pour le poste de serveur. Si vous êtes intéressé, merci de me répondre avant le 18 juin. Il faut m'envoyer votre CV par courrier postal au restaurant. L'adresse est 1036 rue Baudelaire. Merci. Bonjour, c'est Monsieur Garcia, le directeur du restaurant Au Colibri. Je voudrais vous inviter à un entretien pour le poste de serveur. Si vous êtes intéressé, merci de me répondre avant le 18 juin. Il faut m'envoyer votre CV par courrier postal au restaurant. L'adresse est 1036 rue Baudelaire. Merci.